donné pour te dire merci pour tous tes bienfaits. Tu te sacrifies pour moi. Un malheureux pécheur loin de toi, ô grand sauveur, sois adoré. Je te bénis, je suis à toi pour toute la vie. Tu t'es sacrifié pour moi. Un malheureux pécheur loin de toi, ô grand sauveur, sois adoré. Je te bénis, je suis à toi pour toute la vie. Pour te dire merci pour tous tes bienfaits. Grand Dieu, que devais-je te donner pour te dire merci pour tous tes bienfaits. Tu t'es sacrifié pour moi. Un malheureux pécheur loin de toi, ô grand sauveur, sois adoré. Je te bénis, je suis à toi pour toute la vie. Tu t'es sacrifié pour moi. Et malheureux pécheur plus loin de toi, ô grand sauveur, sois adoré. Je te bénis, je suis à toi pour toute la vie. Souviens-toi de l'amour de Jésus et bénis le roi des rois. La grâce est finie de Dieu.